entre colombe et chacal, j'ai fait le tri, démonté les piédestals. Mais mon ami, mon assise est encore bancale. J'ai toujours pas compris comment démêler le bien du mal. Si tout est écrit, si l'avenir tient un journal, au moins j'aurais mis mon cœur dans la chorale. Mais j'ai toujours pas compris comment démêler le bien du mal. Quand le chemin à parcourir est trop dur, vers quoi te tournes-tu pour guérir tes blessures? Guérir tes blessures. Moi, j'ai choisi entre le propre et le sale. J'ai pris le gris à défaut d'un idéal. J'en paie le prix, ça mon ami c'est normal. Mais j'ai toujours pas compris comment démêler le bien du mal. Oh, oh, oh, oh. Les lois d'un peuple cannibale, j'ai gratté le vernis, atteint les parois du bocal. Non, pas d'alibi, j'ai bravé l'ordre moral. Et j'ai toujours pas compris comment démêler le bien du mal. Tournes-tu pour guérir tes blessures? Guérir tes blessures. Ouais.